Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, a fait parvenir le 11 courant un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. À l'occasion du 55e anniversaire de la conclusion du traité sino-coréen sur l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle, le destinataire a formulé sincèrement les félicitations et les meilleurs souhaits au nom du Parti communiste, du gouvernement et du peuple chinois, au camarade Kim Jong-un, au Parti du Travail, au gouvernement et au peuple coréen. Il a indiqué que pendant 55 ans, la Chine et la Corée ont mutuellement soutenu, collaboré étroitement, accéléré l'œuvre d'édification de deux pays et promu le développement continu des relations de deux pays basées sur le principe et l'esprit du traité. Ensuite, il a souligné que le développement continu des relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre les deux pays est la ligne inébranlable du parti et du gouvernement chinois. Finalement, il a souhaité sincèrement de nouveaux succès au peuple coréen dans les activités de divers domaines pour le développement et l'édification de l'État sous la direction du Parti du Travail de Corée conduit par le camarade Kim Jong-un.